Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche, veuve Louis Capet, est conduite sur l'échafaud. Au pied de la guillotine, elle marche sur le pied de Samson le bourreau et elle s'excuse. « Monsieur, je vous demande pardon. » Je ne l'ai pas fait exprès. C'est une femme de 38 ans qui est coupée en deux morceaux après une pénible détention, coupée du monde, coupée des siens. Voilà une lecture possible d'un épisode dramatique de la Révolution. Un épisode qui focalise sur un personnage. Il contrebalance un mouvement massif et populaire, celui du peuple qui se révolte. Il est utilisé par les contre-révolutionnaires qui jouent sur l'émotion, émotion légitime, pour dénigrer la Révolution française, profonde refondation des institutions et des idées. Si l'image du roi guillotiné cristallise à elle seule les tensions de la Révolution, la figure de la reine demeure essentielle entre déni et stratégie d'évitement. C'est l'histoire d'une reine de France face à la mort d'un régime. L'image de Marie-Antoinette, prisonnière au temple ou icône de la culture populaire, ne doit pas être écartée au moment d'expliquer la Révolution française, sans idolâtrie et sans prise de tête. Cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture propose des épisodes révolutionnaires. Nous avons traversé la pensée du siècle des Lumières pour savoir si elle est à l'origine de la Révolution. Nous avons rédigé les cahiers de doléances, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Ou alors, vous pouvez échanger sur le groupe Facebook, le groupe Le Cours de l'Histoire. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est formidable. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons à un épisode dramatique, la mort de la reine. Le 16 octobre, il y a 226 ans, jour pour jour, était guillotinée Marie-Antoinette. Alors non, pas de nostalgie. Nous voulons comprendre la Révolution à travers un de ses personnages essentiels, celui de la reine, l'image et le corps de Marie-Antoinette, avec vous, Antoine Debac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes commissaire surtout, et c'est pour ça que vous êtes là, de l'exposition Marie-Antoinette, métamorphose d'une image. C'est à la Conciergerie, à Paris, jusqu'au 26 janvier 2020. Le lieu est magnifique pour accueillir une exposition On est in situ, là où Marie-Antoinette a passé ses 76 derniers jours. C'était là qu'il fallait faire cette exposition, qui commence comme ça, comme par une sorte de couloir de la mort, hein, Marie-Antoinette, dans l'attente de son jugement, de son procès. Bon, ce qui est beau, je trouve, c'est que la scénographie de l'exposition, à la fois, elle est très présente, elle montre bien ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire les images nombreuses de Marie-Antoinette, et en même temps, elle laisse voir ce lieu, la plus grande salle voûtée gothique d'Europe, et puis cette prison révolutionnaire qu'est la Conciergerie. Avec la cellule de Marie-Antoinette, et avec nous ce matin également, Stanis Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du corps, et vous êtes surtout l'auteur du corps de la reine chez Perrin. Vous êtes celui qui regardait, et c'est intéressant, l'image des souverains, mais sous un autre angle, sur ce qu'ils représentent de manière physique, car au cœur des représentations, des gravures, de l'attention populaire, il y a ce corps physique du souverain et en l'occurrence de la reine. Vous allez participer à un colloque en novembre lié à l'exposition Marie-Antoinette, oui. Métamorphose d'une image. Oui. Représentation, oui, mais surtout incarnation. L'incarnation est essentielle. Cette émission est passionnante, hein, parce que Marie-Antoinette évoque tout de suite des images. On les a en tête. Nous allons les décrypter aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation de l'émission. Anaïs Quien avec sous le bras son journal de l'histoire. Mais pour le moment, petit tour au château de Versailles en 1959 pour retrouver celle qui fut Marie-Antoinette, celle qui fut fasciné par Marie-Antoinette et qu'il l'est toujours d'ailleurs, Michel Morgan. Chaque fois que je suis ici, ça me fait un drôle d'effet. Évidemment, Versailles et moi, nous avons pas mal de souvenirs en commun. J'ai interprété Marie-Antoinette. C'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé, vers lequel j'étais toujours très attirée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert après avoir eu un destin très brillant. Et puis peut-être que ça remonte de plus loin aussi. Je me rappelle avoir fait un rêve un jour. J'étais la suivante de Marie-Antoinette dans ce rêve et c'était au moment de sa fuite pour Varennes. Je lui avais rendu probablement quelques services et elle m'avait fait cadeau d'un bracelet en émeraude. C'est drôle, je me suis toujours demandé si dans la vie Marie-Antoinette avait eu une suivante à qui elle avait donné un bracelet d'émeraude. Michel Morgan dans l'émission Ciné Panorama en 1959. Michel Morgan qui nous a quittés en 2016 mais qui a dû retrouver Marie-Antoinette. On sent qu'il y a une fascination presque mystique dans ce regard sur Marie-Antoinette. Avec vous, Stanis Pérez et Antoine Debac, je voudrais que nous évoquions une Marie-Antoinette sous trois périodes, mais des périodes très simples pour la comprendre. Il y a la reine de France, il y a la prisonnière au temple, et puis il y a l'après Marie-Antoinette. Et justement, pour commencer sur cette reine de France, il y a une analyse pertinente que vous faites, parce que dès qu'on évoque le corps du roi, on pense à l'historien Kantorowicz, la théorie des deux corps du roi, un corps physique et un corps de la nation. Vous, Stanis Pérez, vous réfléchissez, vous nuancez déjà cette théorie, principalement pour la reine. Ah oui, alors déjà j'essaie de la nuancer dans le pendant, j'allais dire masculin, du corps de la reine qui était le corps du roi, qui est paru l'an dernier. Et surtout, je trouve que ce qui est plus intéressant peut-être avec le corps de la reine, c'est que, bah, comme c'est pas un roi, on va pas immédiatement penser en Kantorowicz. Et on va s'intéresser justement à cette personne, peut-être davantage que le personnage, parce que souvent, la théorie de Kantorowicz, on l'emploie ou on la résume à la différence entre la personne et le personnage. Les deux corps du roi, ce serait ça, c'est-à-dire l'individu physique et puis ce qu'il symbolise. Là, dans la mesure où on n'a pas de deux corps du roi, on n'a pas une souveraineté intégralement, je dirais, incarnée et condensée dans ce corps donc de la reine, on peut s'intéresser peut-être davantage à l'aspect, je dirais, charnel, ou pourquoi pas matérialiste. Concrètement, qu'est-ce que c'est que vivre dans un corps de reine? C'est un peu la question que je me suis posée. Et elle est complexe, cette question, et vous le dites hein, dans votre ouvrage « Le corps de la reine » aux éditions Perrin, « Une reine de France ne se réduit pas à un organe reproducteur ou à une anatomie assujettie au devoir conjugal et à la vie de cour. » C'est en cela que c'est plus compliqué. Souvent, la reine est réduite à son rôle de reproduction. Dans une monarchie héréditaire, elle est essentielle. Alors, je dirais que les sources et l'historiographie ont généré une sorte de kaléidoscope. De kaléidoscope avec des profils, des figures, des corps, on peut employer là en l'occurrence le pluriel, ou des usages du corps qui effectivement sont multiples. Mais derrière tout ça, il ne s'agit pas de retrouver un seul corps comme si on avait une seule vérité, mais on a des fonctions, différentes fonctions. Tout ramener effectivement à la procréation, c'est bien sûr quelque chose qui est particulièrement restrictif. Il ne faut pas oublier toutefois que derrière cette idée et cette image de la mère, il y a quelque chose qui parle en termes de théorie du pouvoir. Vous me permettrez de m'écarter quelques instants à peine de Marie-Antoinette. Allez-y. Catherine de Médicis est qualifiée au milieu du XVIe siècle dans un texte relativement célèbre et que j'essayais d'expliquer notamment dans mon livre. Elle est qualifiée de mère et nourrice de tout le royaume. Il y a cette idée qu'il y aurait une sorte de gène féminin du pouvoir ou de gène politique dans le féminin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les controverses autour du genre en histoire, mais ce qui est certain, c'est que beaucoup d'archives peut-être et beaucoup d'analyses qui ont montré déjà à l'époque, et même à l'époque de Marie-Antoinette, que effectivement toute cette symbolique autour de la maternité, l'aspect nourricier, comme je l'ai exposé dans une conférence récente, quelque part il y a une forme d'état-providence. Cet état-providence, est-ce qu'il n'est pas féminin? C'est la bonne question. Remettons le féminin au cœur de nos interrogations. Voilà, mais voilà. C'est vrai que cette apparence physique, le corps de Marie-Antoinette, est observé dès qu'elle arrive à la cour de France. Antoine de Bac, c'est essentiel de rappeler ça pour comprendre ce destin d'une image. C'est que nous avons ici, avec Marie-Antoinette, une des personnes les plus observées de France. C'est une pop star avant l'heure, mais c'est vrai qu'elle est sous tous les regards quand elle devient... Alors, elle n'est pas encore reine, mais quand elle arrive à la cour de France. Oui, c'est vrai, quand Marie-Antoinette arrive toute jeune, hein, à 15 ans, en 1770 à Versailles, elle est sous tous les regards pour plusieurs raisons. D'une part parce que précisément, il va falloir assez vite. En tout cas, les attentes sont très impatientes du côté de la procréation, de donner à partir de son mariage, évidemment. Et il ne se passe rien de ce côté-là. C'est-à-dire que il y a quand même un problème, alors qui n'est pas le problème de Marie-Antoinette, hein, qui est le problème de Louis XVI, qui fait que le mariage ne sera pas consommé et donc aucun héritier ni héritière n'arrive avant 7 ans. Hein, 7 ans entre 1774 et 1781, c'est long. Puisque tout le monde observe ça, tout le monde a des théories, a des explications du phénomène. Marie-Antoinette va à travers cette attente passer par tous les états et très vite un bon nombre de coteries courtisanes qui reprochent d'emblée à Marie-Antoinette d'être une étrangère, de venir comme une sorte d'espionne, pourquoi pas, de Marie-Thérèse d'Autriche. Voilà, il y a eu un changement d'alliance qui a fait que l'Autriche, tout d'un coup, est l'allié de, alors que c'est un ennemi traditionnel de la monarchie française. Donc, tout de suite, on soupçonne Marie-Antoinette de quoi, et les libelles, les caricatures, les chansons vont se multiplier sur ce thème de Marie-Antoinette comme femme qui ne satisfait pas son mari parce qu'elle va voir ailleurs, parce que elle a des multiples amants, et c'est sûr que cette réputation de Marie-Antoinette, hein, la reine lubrique, la reine libertine, la reine qui irait jusqu'à fauter par homosexualité, hein, avec ses amantes, avec Gabrielle de Polignac, ce sont des attaques extrêmement violentes sur Marie-Antoinette qui commencent très tôt et qui viennent du milieu courtisan. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ce qui est formidable aussi, c'est ce que vous étudiez, Antoine de Bac, c'est l'évolution de ces images et ces images qui existent quand Marie-Antoinette, même sans être reine de France ou qui devient reine de France, ces images sont sans cesse reprises. On les retrouve notamment dans le film de Sofia Coppola en 2006, le film Marie-Antoinette. Et quand on était dit à la reine que ses sujets n'avaient pas de pain, savez-vous ce qu'elle a répondu ? Qu'il mange de la brioche. C'est ridicule, jamais je ne dirais une telle chose. Et ici, on vous voit dans une orgie avec plusieurs personnes. On m'y voit vous sucer les orteils. Quand cela seront-ils de ces histoires ridicules ? On dit que vous avez offert à Thomas Jefferson une petite visite de vos jardins. On voit Jefferson admirant le royal buisson. Oh, c'est affreux. Vous ne réagirez donc pas ? Je n'ai pas l'intention de leur faire cet honneur. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous essayons de comprendre en quoi l'image de Marie-Antoinette peut expliquer la Révolution. Et nous voyons qu'il y a, dès qu'elle est reine de France, une image négative qui se construit autour d'elle avec des caricatures d'une violence inouïe. C'est vrai que c'est très dur, hein, c'est extrêmement sexué comme caricature. Mais là où la violence se niche aussi, c'est également dans son rôle de reine de France. Il y a quelque chose qui même nous trouble aujourd'hui sur l'observation complète de la reine. Stanis Pérez, dans Le corps de la reine, vous expliquez bien combien elle est observée. Vous donnez des extraits de lettres de la reine, de Marie-Antoinette, qui explique « J'ai eu mes règles le 25, fort bien, comme à l'ordinaire. Il est vrai que le courrier m'a vu à cheval, mais ce n'était point à la chasse, ou je n'étais qu'une fois à cheval. » En fait, tout est su de son corps et de son intimité. Alors, tout est su, et je dirais qu'au-delà, c'est une correspondance vraiment, vraiment exceptionnelle. Parce qu'elle est obligée de raconter des choses, effectivement, qui sont intimes. On va dire, bon, pour une correspondance intime, c'est normal, mais on n'a pas l'équivalent, c'est-à-dire on n'a pas l'équivalent à ma connaissance et dans les fonds d'archives et autres, de lettres où une reine, si elle n'est pas encore reine, elle est dauphine, parle effectivement de ses règles et est obligée de se justifier. Elle est constamment obligée de se justifier. Pourquoi ? Parce que derrière, effectivement, la cessation, on va dire, l'interruption des cycles, il y a toujours cet espoir que enfin elle est tombée enceinte, enfin il y a eu consommation. Et en fait, toute la mécanique, elle tourne autour de ça. Et je trouve que ce qui est particulièrement paradoxal chez elle, c'est que d'un côté, on a une vie de cour, bon, alors voilà, avec, j'allais dire, tout l'aspect, baroque, rutilant, clinquant, artificiel, superficiel, bon, etc. Donc, on pourrait dire, une reine, elle vit quelque part loin de son corps, loin de sa nature profonde, parce qu'elle est obligée d'être en représentation, c'est une actrice. Et en fait, en parallèle, on lui demande exactement de compter ses jours en disant, attention, là, s'il y a un retard de 3 jours, qu'est-ce que ça signifie? Faut pas aller à la chasse, etc. Donc, il y a une sorte de retour dans cette contradiction incroyable, de retour, j'allais dire, au réel et à quelque chose d'extrêmement basique où cette femme, à un moment donné, elle se dit, donc, être reine, c'est ça. C'est être encore plus sous pression et sous observation que si j'étais, une paysanne. On comprend peut-être mieux ensuite ces escapades, j'allais dire, où elle joue à la bergère, etc. Parce que cette vie de cour où elle est constamment obligée de se justifier et de l'écrire, je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait d'être obligée de se décrire et de raconter des choses qu'aucune autre reine, à ma connaissance, dans des correspondances, n'a effectivement raconté. Donc, je crois qu'elle a été prise effectivement entre deux feux, et la Révolution et les accusations autour de ces images et de ces textes pornographiques, parce qu'il y a les images et aussi les textes qui sont d'une dureté terrible, on va évidemment en parler, fait qu'on a une sorte de corps impossible ou de normalité impossible pour cette femme qui ne comprend pas pourquoi elle est tout le temps obligée de se justifier auprès de ses détracteurs, auprès de sa famille, auprès de ses proches. Nous comprenons pour la pauvre Marie-Antoinette la violence que lui impose la vie de cour et la violence de ses détracteurs, de tous ses pamphlets, de toutes ses caricatures. Il faut quand même souligner que au moment où elle est reine de France, il y a quand même, mais là c'est peut-être une partie de propagande ou de flatterie, une image très positive aussi qui se développe de la reine. Et il faut la noter parce que cette image positive qui se développe de la reine va être accaparée après sous la Révolution. Elle est présentée comment? C'est la plus belle femme du monde, évidemment. Alors l'image officielle de Marie-Antoinette est quelque chose dont la reine se soucie beaucoup. Elle fabrique son image. Alors elle entre d'abord dans tous les canons de l'image traditionnelle de la monarchie, de la reine, voilà, avec je dirais des images de propagande où elle est entourée des symboles royaux, mais par ailleurs, c'est une des caractéristiques de Marie-Antoinette. Elle fabrique par ailleurs aussi son image, sa propre image. Et dans ce cadre, la rencontre avec Élisabeth Vigée-Lebrun est évidemment essentielle. En 1778, Marie-Antoinette, qui cherche depuis quelques années un peintre qui aurait la sensibilité de pouvoir la représenter comme elle le désire, va rencontrer donc Élisabeth Vigée-Lebrun, qui va proposer ce premier tableau, qui est à la fois un tableau tout à fait officiel, assez pesant, de majesté royale. C'est Marie-Antoinette en grand habit en 1778, et où on voit déjà quelques détails, la légèreté de la robe, de la gaze de la robe, une rose qui apparaît à la main droite. Et puis très vite, par amitié, se développe une grande amitié entre ces deux femmes, une sensibilité commune, et Élisabeth Vigée-Lebrun va aller dans le sens que choisit Marie-Antoinette, c'est-à-dire le sens, je dirais, d'une émancipation de son image vis-à-vis du portrait royal traditionnel de la reine. Et notamment, cette image qui fait scandale, en 1783 au salon, Marie-Antoinette à la rose, c'est comme ça qu'on la connaît, où à la fois elle est en déshabillée, elle est vraiment très très décontractée, je dirais, par rapport à l'image classique de la reine de France, un peu corsetée, un peu rigide, guindé. Et puis d'autre part, elle porte à la main, et comme en l'offrant au public, une rose qui est à la fois le symbole d'elle-même. Ça, c'est cette association entre la reine et la fleur n'est pas nouvelle, mais par contre cette rose prend toute la place et prend notamment la place des symboles traditionnels de la monarchie. Et donc cette image provoque un certain scandale, un émoi. En même temps, elle est, je dirais, très proche de ce que Marie-Antoinette est en train de construire comme je dirais presque à une sorte de royaume dans le royaume, de Versailles dans le Versailles, à Trianon, hein, où elle essaye de s'isoler, de reconstituer un monde qui serait, je dirais, à son image, où elle serait plus proche de la nature, plus proche de ses amis, voilà, pouvant faire des fêtes, pouvant s'amuser, pouvant aussi très vite élever ses enfants. Une fois que les enfants arrivent, quand même, Marie-Antoinette est peut-être une des premières reines de France à élever elle-même ses enfants. C'est quand même quelque chose d'important. Voilà, elle ne délègue pas, elle refuse de jouer le jeu et de déléguer l'éducation des enfants à la maison du roi ou à la maison de la reine. Donc, c'est quelque chose de très important. Et nous comprenons bien pourquoi Marie-Antoinette veut construire son image, tellement elle sait qu'elle est observée, que son image est décrite, décryptée. Et dans l'exposition Marie-Antoinette, métamorphose d'une image à la conciergerie, dont vous êtes commissaire Antoine Debacq, il y a ces évolutions d'image. Et là encore, cela fonctionne parce que Marie-Antoinette est observée très longtemps après elle-même. Dans l'émission, par exemple, Aujourd'hui Madame, sur l'ORTF, en 1973, André Castelot s'intéresse à l'apparence de Marie-Antoinette. On disait alors à l'époque qu'elle avait vraiment qu'elle apparaissait comme un frais bouquet de fleurs des champs, une odeur de printemps, disait-on. Elle était adorable, elle avait, vous voyez sur ce portrait d'ailleurs à quel point elle était jolie, elle avait encore à ce moment-là un buste à peine fleuri, et Louis XV avait d'ailleurs demandé à un gentilhomme qui était M. Bourret, qui était parti à Vienne et qui l'avait vu, il dit, mais comment était la tête de la gorge? Il avait répondu, je n'ai pas osé poser mes yeux jusque-là, Nigo a répondu Louis XV, c'est la première chose qu'on regarde aux femmes. Je m'empresse de vous dire qu'elle se rattrapera, puisque j'ai retrouvé les mesures de sa corsetière. En mesure actuelle, elle avait fini par avoir, la veille de la Révolution, 1,9 m de tour de poitrine, mais 60 cm seulement de tour de taille. Je vous dis ça parce que ce sont des mesures qui peuvent vous sembler rassurantes si vous regardez devant une glace. Elle passait pour la plus belle femme de son temps tout de même. Ah, André Castelot en 1973, mon Dieu, que c'est daté cette chose-là, parce que en fait, l'image de Marie-Antoinette qui se retrouve longtemps après, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, on la retrouve tout le temps, chaque image de Marie-Antoinette doit être contextualisée. Là, l'image de 1973 montre un regard mâle, viril sur la reine, mais c'est ça, chaque image doit être contextualisée. Absolument. C'est l'intérêt de s'intéresser de comparer les images, notamment parce que très vite se met en place, je dirais, une guerre des images autour de Marie-Antoinette, une double tradition. D'un côté, voilà, l'image officielle, et puis de l'autre, une image qui est très violente et qui se retourne contre la reine. Quitte à prendre d'ailleurs des motifs de l'image officielle. Cette image de Marie-Antoinette à la rose va aussi servir à attaquer Marie-Antoinette. Et donc, cette rivalité des images, d'un côté les royalistes, de l'autre côté les révolutionnaires, les républicains, on va la trouver pendant, je dirais, plus d'un siècle et demi, jusqu'en 1973, on est encore un petit peu dans cette logique-là, avec cette guerre des images qui se déroule autour du portrait de la reine. Cette guerre des images, c'est vrai qu'elle est essentielle pour cette reine, Marie-Antoinette. Toutes les reines ont connu ces phénomènes, c'est-à-dire que chaque reine a voulu créer une image, chaque reine a voulu avoir des contestations, mais pour Marie-Antoinette, nous atteignons un paroxysme. Vous parlez, vous, Stanis Pérez, du corps public de Marie-Antoinette. Elle a un corps public. Alors, ce corps public, de quoi s'agit-il? Je dirais que c'est tous les produits dérivés. J'insiste sur cette formule qui est d'un anachronisme complet. Je m'en excuse par avance, mais je renvoie le lecteur aux quelques lignes que j'ai consacrées à cette question, c'est-à-dire les produits dérivés. Parce que on va par exemple commercialiser des quantités d'accessoires, notamment au moment de sa première grossesse, la naissance du dauphin, et surtout les pamphlets et les textes entre guillemets pornographiques vont comme découper ce corps royal, ce corps de la reine en différents fragments. Ces différents fragments, ce sont des organes qui vont être des supports d'un érotisme, d'une obscénité jamais atteint, peut-être depuis la Fronde, hein, au XVIIe siècle, on a quelques mazarinades qui critiquent les mœurs, notamment de Mazarin et d'Anne d'Autriche, mais on n'a pas l'équivalent. Et effectivement, on est dans cette symbolique de ce que j'appelle le corps sectionné. corsectionné, c'est-à-dire réduit en fragments, mais sectionné avec, si vous me permettez cette digression orthographique, sectionné écrit S-E-X, c'est-à-dire on va découper ce corps en différents organes étant source de plaisir, et on a même d'ailleurs un pamphlétaire, en tout cas un auteur de textes pornographiques, qui promet à son lecteur de faire l'amour avec la reine par le biais du texte interposé et des gravures obscènes. J'en ai publié une, mais c'est sans doute la plus sage, ou la moins coquine, je ne sais pas, dans le cahier d'illustration. Mais on a cette promesse, sous-entendue, on a un corps qui est public, la reine devient une chose publique. On a même une gravure aussi, où il y a l'expression forte, res publica, mais qui est une gravure érotique. Si mes souvenirs sont bons, c'est Lafayette, je crois, et Marie-Antoinette. On se dit, mais enfin, la République, c'est pas ça. Mais dans l'esprit de subversion, de contestation de la monarchie, il y a une manière de dire, mais ce qu'on vous a volé pendant des années, c'est-à-dire la souveraineté et également le pouvoir sur le corps, à vous, peuple français, de le récupérer en prenant possession de ce corps, au moins par l'intermédiaire de textes et d'images, où vous allez enfin pouvoir, et il faut le dire, violer la reine, car c'est un petit peu l'objectif aussi. Et c'est ça qui est extrêmement violent. D'ailleurs, on voit sur cette gravure, donc c'est une gravure où la reine est sur un fauteuil ou une bergère, ce qui serait logique, et effectivement, Lafayette se penche sur elle. C'est l'acte, directement, l'acte sexuel avec cette légende « Au bal charmant, aimable souveraine, toi dans mes bras, je ne le crois qu'à peine ». C'est vrai que cette notion de corps sectionné pour Marie-Antoinette fait écho, c'est pas du mauvais esprit, il faut le dire tout de suite, Stanis Pérez. Mais nous voyons bien dans cette réflexion sur la figure de la reine Marie-Antoinette, pour comprendre la Révolution, qu'avant les événements qui commencent en 1789 et qui durent, la Révolution ce n'est pas qu'une année, qu'avant ces événements, il y a deux figures de la reine, une construite, on va dire, par le pouvoir, une figure positive, une figure négative, et ces deux figures vont se retrouver sous la Révolution quand l'ancien monde s'effondre et que s'impose un nouveau monde, et si j'osais, je dirais un New Order. C'est la chanson Cérémonie de la bande originale du film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette. Cérémonie New Order, une chanson de la bande originale du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Une émission où nous réfléchissons sur la figure de Marie-Antoinette, l'image et le corps de Marie-Antoinette pour expliquer en partie la Révolution. Antoine Debac, Ça y est, nous sommes en révolution. Nous avons vu que, en tant que souveraine, Marie-Antoinette avait évidemment une image positive, sans doute portée par une forme de propagande monarchique. Et puis, une image qu'elle s'était construite, et ça c'est important, qu'elle-même avait voulu créer, et puis une attaque sans cesse de pamphlets, de caricatures, quelque chose d'immonde. Mais sous la Révolution française, nous avons l'idée que Marie-Antoinette est l'Autrichienne, qu'elle est détestée. Comment se construisent ces images anciennes au moment de la Révolution? Les images où elle était déjà attaquée, on comprend bien qu'elles se poursuivent. Les images positives, elles sont reprises, oubliées ou transformées? Alors oui, les images positives, c'est-à-dire les images contre-révolutionnaires, les images royalistes de Marie-Antoinette, elles vont se construire de façon très virulente assez vite, en prenant Marie-Antoinette comme le véritable, je dirais, vecteur de la monarchie. Louis XVI déçoit beaucoup les royalistes. Hein. Louis XVI a toujours eu cette réputation, même corporelle, d'être l'impuissant, hein, celui qui n'arrive pas à assumer le pouvoir. Et face à la Révolution, Louis XVI paraît mou, paraît hésitant, et il l'est effectivement. Et alors que Marie-Antoinette assume complètement son rôle politique. Voilà, elle est véritablement contre-révolutionnaire, elle cristallise autour d'elle le parti contre-révolutionnaire, et donc il va y avoir ce premier mouvement de soutien à la reine dans toute une série d'imageries de combat contre la révolution. Et puis ensuite, bon, l'image va évidemment s'emparer de l'histoire, de la tragédie propre à Marie-Antoinette qui, devant la révolution, à son combat contre la révolution succède son rôle de grande victime de la révolution, et là, bon, c'est une sorte de culte, hein, qui est voué à la sainte, à la martyre de la révolution, à celle qui fait face de façon digne et qui, jusqu'au bout, disons, protège d'une certaine façon la majesté royale ou la dignité de la mère, de la femme, face à la violence des barbares révolutionnaires qui l'attaquent jusqu'au moment du procès, qui vont l'attaquer de façon effectivement ignominieuse, hein, sur ses rapports incestueux avec son fils. Donc voilà, se construit cette double image de Marie-Antoinette, une image de combat contre la révolution et puis une image de culte de la martyre, de la sainte, la grande victime de la Révolution. Stanis Pérez, Antoine de Bac vient de le dire, hein, on évoque de l'inceste au moment du procès. Oui. Le corps de la reine devient, allez, on va dire, une preuve de sa culpabilité, devient une pièce à conviction. On va surtout s'attaquer à cette image de mère. On s'est attaqué à beaucoup de choses. Je pense que avant d'aborder la question de l'inceste au moment du procès, il y a un élément fort, parce que les critiques, notamment, elles vont se focaliser sur un point important. Avant même d'aborder cette thématique, c'est qu'est-ce que c'est que cette reine qui se met à faire de la politique? Qu'est-ce que c'est que cette femme qui tire des ficelles, complote? Et là, en l'occurrence, la correspondance le démontre. Et il y a une double accusation, c'est-à-dire c'est la méchante aristocrate qui prive de liberté, etc., etc. Et en même temps, c'est une femme qui est en train de prendre le pouvoir sur son mari. C'est-à-dire qu'elle est en train de prendre une forme d'ascendant. Donc, il faut détruire l'image de la femme, de l'épouse, de la reine. Et à la fin, une fois qu'on a détruit toutes ces images successivement, il faut s'attaquer à l'image de la mère. Et quel crime plus horrible pour une mère que d'avoir des gestes, des intentions incestueuses, qui d'ailleurs vont faire frémir à la fois les fameuses couturières qui ne savaient pas trop quoi faire. Tricoteuses, voilà. Qui, voilà, passaient leur temps à suivre les délibérations, les dépositions du procès et autres. Mais on va dire que les révolutionnaires, entre guillemets, sérieux, vont considérer que là, on est allé trop loin et que, de toute façon, il faut en finir, mais sans forcément aller jusque-là. Bon, on est effectivement dans un processus de déconstruction. Et de déconstruction, effectivement, de ces fonctions et de ces rôles, j'allais dire, anthropologiques, qui étaient au fondement de la construction de cette image plurielle de la reine. Et au final, on s'aperçoit que dans cette déconstruction, on continue ce processus que j'évoquais il y a un instant du corps sectionné, parce que on a beaucoup d'anecdotes sur le sang de la reine. Elle aurait eu des hémorragies, elle serait vraiment très très malade. Bon, alors, il y a toute l'histoire de, voilà, elle a perdu, pas ses cheveux, mais ses cheveux ont blanchi, très rapidement après Varenne. Bon, et on est encore dans cette idée d'un corps qui est sectionné. Il y a l'histoire effectivement du sang. Elle aurait perdu beaucoup de sang avant son exécution. Alors, beaucoup de médecins ont dit, bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? On sait pas trop. Bon. Et puis, les cheveux, et là aussi, il y a un élément très important, c'est qu'elle va distribuer des mèches de cheveux. C'est que quelque part, elle anticipe cette section ultime qui est celle de la guillotine en fabriquant des reliques d'elle-même, des souvenirs distribués à une domestique, à une proche, etc., etc. Elle va faire pareil avec les cheveux du dauphin, comme si elle anticipait cette dématérialisation et cette fragmentation inéluctable jusqu'à celle qui intervient sur l'échafaud. C'est vrai que Stanis Pérez, nous le savons, hein, c'est une pratique courante de conserver une mèche de cheveux, mais dans le cas de Marie-Antoinette, avec une volonté de laisser une trace, ça prend une ampleur démesurée. Et justement, ce moment de catharsis qu'est le procès de Marie-Antoinette synthétise toutes ces questions, parce que la reine est physiquement présente et une image doit s'imposer, celle des révolutionnaires. Une image doit s'imposer pour les contre-révolutionnaires, celle est complètement différente. Nous nous rendons au procès de Marie-Antoinette dans le film de Pierre Garnier de Fer. C'était en 1989 avec Patrick Chenet comme accusateur. Nous allons, conformément à la loi du 5 avril 1793, procéder à votre interrogatoire. Veuillez énoncer vos noms, profession, âge, nationalité. Demeure. Vous n'avez pas entendu. Je m'appelais Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche. J'ai 38 ans. Je suis veuve du roi de France. Où habitiez-vous quand on vous a arrêté, Antoinette? Je n'ai pas été arrêtée. Depuis que vous êtes emprisonnée au Temple, n'avez-vous pas été informée exactement des affaires politiques? Et n'avez-vous pas entretenu des relations, des correspondances avec les ennemis de la République par l'entremise ou la facilité des personnes qui étaient de service auprès de vous? Monsieur, depuis 14 mois que je suis enfermée, je n'ai eu aucune correspondance ni connaissance des affaires politiques. Je n'ai eu aucune nouvelle et je vous demande comment j'aurais pu en avoir, puisque depuis le commencement d'octobre, on a ôté chez moi les plumes, l'encre, le papier et les crayons. Je ne me suis adressée à personne, pour la simple raison que je savais que c'était inutile. Marie-Antoinette dans le film L'Autrichienne en 1989. Antoine de Bac, le moment du procès, le moment de l'exécution, provoque un flux d'images. Vous les évoquez évidemment dans l'exposition Marie-Antoinette, métamorphose d'une image. Elles sont fascinantes, ces images, parce que nous avons des images contemporaines au sens où les gens veulent savoir. Ils veulent voir, il y a sans doute une fascination pour le sang, et elle se démultiplie sous toutes les facettes jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette fascination du corps de la reine coupé en deux. Absolument, il y a une sorte de la double tradition, la rivalité, la guerre des images part de là, en fait, essentiellement, même si elle était déjà en place avant, mais à travers quelques motifs qui vont être littéralement obsessionnels. Par exemple, le départ de la charrette de la conciergerie pour l'exécution, pour la place de la Révolution. On va en avoir, et les deux traditions vont s'en emparer. D'un côté, c'est la dignité de la femme qui fait face au peuple qui l'insulte, et puis de l'autre, c'est par exemple David qui aurait croqué le personnage dans toute sa morgue, dans un petit dessin. Alors c'est une légende, hein, David n'était pas là, c'est sans doute un élève de David, voire un faux, ce dessin, mais il est effectivement reproduit, et dans l'exposition on montre un tableau de 1900 de Emmanuel van den Busch qui le met en scène, où on voit David en train de peindre cette scène, qui est lui-même observé par d'autres qui regardent la scène. Donc vraiment la légende républicaine là se met en place. D'un côté ce corps qui serait un corps de mépris du peuple, et puis de l'autre le corps au contraire qui est la dignité d'une femme de la grande martyre. Et puis l'autre motif essentiel, c'est la tête coupée, effectivement, qui là encore a suivi cette dualité. C'est aussi bien une image républicaine qu'une image royaliste, la tête de la reine. Du côté royaliste, c'est le culte. Alors par exemple, Stanis en parlait des boucles, des cheveux, de toute une série de reliques que la reine fournit elle-même d'une certaine manière au culte royaliste. Et puis cette image de la tête, c'est aussi le moulage de son visage qui aurait été fait, là c'est un faux aussi, hein, qui aurait été fait immédiatement après l'exécution et qu'on va retrouver dans tous les musées de cire, hein, chez Madame Tussaud, musée Grévin, et qui va être le support d'un culte un peu morbide de royaliste. Et puis de l'autre côté, la tête coupée, c'est la tête que le bourreau montre au peuple, parce que c'est les origines du régime républicain. Hein. Avoir coupé les deux têtes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, c'est l'idée d'affirmer la République. La République, nous sommes républicains parce que nous avons coupé la tête des rois. Et donc cette image de la monstration de la tête de la reine, on la retrouve aussi dans la légende républicaine. Donc ces deux traditions iconographiques vont souvent partir des mêmes motifs pour composer ce double portrait antagonique de Marie-Antoinette. D'un côté le culte, de l'autre la perpétuation de ces attaques, de cette détestation de Marie-Antoinette. Stanis Pérez, vous avez étudié les reines de France dans cet ouvrage, hein, Le corps de la reine chez Perrin. Vous l'avez étudié sur le temps long, depuis la fin du XIIe siècle. Et puis dans votre étude, il y a Marie-Antoinette. Et vous bénéficiez, avec ce personnage de l'histoire de France, d'un cas particulier. C'est-à-dire que le corps de la souveraine devient objet d'histoire. Il est découpé, il est perdu, parce que enterré dans une fosse commune, pas très loin de la Madeleine, à Paris. Le cimetière de la Madeleine, à Paris. Et il est retrouvé après l'Empire, par la Restauration, 1815, on le ressort. Il y a toute une histoire de ce corps fascine. C'est l'attrait pour les reliques, c'est l'attrait pour le morbide, comme vous l'avez dit, Antoine de Bac. C'est un objet d'étude particulier, ce corps mort, ce corps disparu de la reine. Je crois que quand on étudie le corps, quand on s'intéresse au corps, ou quand on veut en faire abstraction, il y a des processus, j'allais dire, qui relèvent un peu de la psychanalyse, de l'inconscient, je ne sais pas. C'est pas ma spécialité, mais j'allais dire, le corps ne laisse jamais de marbre. Et effectivement, toute cette production d'un imaginaire, alors des royalistes nostalgiques, des républicains affirmés et assumés autour de cette exécution, disant c'était nécessaire, c'est un martyr, c'est terrible, etc. Dans les deux cas, je dirais qu'il y a une forme de deuil impossible. De deuil impossible qui est sans doute bien matérialisé, exprimé par Chateaubriand, qui va jusqu'à dire, au moment où on retrouve effectivement les restes de Marie-Antoinette, il voit le crâne et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je reconnais encore ce sourire que j'avais vu il y a plusieurs décennies quand j'étais jeune et que j'étais à Versailles. C'est-à-dire ce crâne, il lui rappelle des choses, d'accord, mais c'est comme s'il n'était pas mort, parce qu'il continue à sourire. Et là, on peut effectivement se dire, est-ce que d'un côté, il n'y a pas le meurtre, l'assassinat du père avec le roi qu'on exécute, mais quelque part, là aussi, au niveau psychanalytique, mais il faudrait creuser, je ne sais pas. Un appel, Stanis Pérez. Non, mais le colloque va servir. Colloque de novembre lié à l'exposition Marie-Antoinette, Métamorphose d'une image. Il va servir à ça, mais il y a aussi le meurtre de la mère. Et aussi le meurtre de la mère qui va être instrumentalisé en disant mais pour imposer la République, effectivement, on a été obligé de faire ça. Et puis de toute façon, regardez, c'est pas grave, parce que la République a une nouvelle mère, elle s'appelle Marianne. Donc meurtre du père d'un côté, meurtre de la mère mais remplacé par Marianne. Et dans le cahier iconographique de mon ouvrage, j'ai proposé au lecteur cette comparaison. Une toile de Rubens représentant Marie de Médicis en Bellone, déesse de la guerre, elle a le sein droit dénudé, et en parallèle, du baron Gros, cette toile qui est au château de Versailles, une allégorie de la République, c'est pas exactement Marianne, mais bon, voilà, j'entre pas dans les détails, ça y ressemble quand même très très fortement, et là aussi, bah, à peu près dans la même posture martiale affirmée et assumée, le sein droit, j'allais dire l'organe féminin, entre guillemets, par excellence, pour les sociétés traditionnelles, évidemment, je ne veux pas réduire qui que ce soit, quoi que ce soit, mais on a ce parallèle. La nouvelle reine, c'est Marianne, c'est la République. Et d'ailleurs, vous avez évoqué Stanis Pérez, Chateaubriand, qui dans les mémoires d'Outre-Tombe décrit la découverte du crâne de Marie-Antoinette. Il écrit « Je n'oublierai jamais ce regard qui devait s'éteindre si tôt. Marie-Antoinette, en souriant, dessina si bien la forme de sa bouche que le souvenir de ce sourire, chose effroyable, me fit reconnaître la mâchoire de la fille des rois quand on découvrit la tête de l'infortunée dans les exhumations de 1815. » Et vous rajoutez, Stanis Pérez, tout commentaire serait superflu. Effectivement, dans ce crâne, Chateaubriand voit le sourire. Et dans ces images de la reine Marie-Antoinette que nous comprenons complexe et à la fois fondatrice d'une imaginaire républicaine, de comment elle se construit, il y a tout un aspect qu'il faut évoquer. Et c'est dans l'exposition, c'est aussi comment Marie-Antoinette, en tant que personnage fascinant, devient un objet de culture populaire et un objet d'inspiration pour les artistes. Oui, alors ça c'est intéressant parce que les images, ça permet à la fois de comprendre ces deux traditions rivales pour et contre Marie-Antoinette, et ça permet d'en sortir aussi parce que il me semble qu'aujourd'hui, disons depuis une vingtaine d'années, à partir du moment où beaucoup d'artistes contemporains se sont emparés de l'image de Marie-Antoinette pour en faire une sorte d'icône un petit peu pop d'aujourd'hui, c'est une nouvelle image qui a été construite par ces images, qui passe d'ailleurs souvent par le manga, hein, La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda, qui propose ce portrait d'une jeune femme romantique, le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, aussi avec Kirsten Dunst, qui est là encore une sorte de présentification de Marie-Antoinette comme jeune femme moderne. Ça, c'est quelque chose de très important que les artistes d'aujourd'hui et que, je dirais, le contexte d'aujourd'hui a fait revenir Marie-Antoinette non pas comme la reine de France, non pas comme la martyre, non pas comme la grande pécheresse, mais plutôt comme la jeune femme d'aujourd'hui, hein, la jeune femme moderne qui... Effectivement, ça se base sur toute une série une volonté de Marie-Antoinette de s'émanciper de la cour de Versailles, et c'est plutôt cette Versaillaise-là, ou plutôt la femme du Trianon, hein, la jeune femme du Trianon, qui revient aujourd'hui dans ces images, qui en propose une sorte d'actualisation qui est largement dépolitisée, en fait, désidéologisée. On est passé à un personnage qui appartient beaucoup plus à cette culture populaire, cette icône de mode qui échappe en fait à la rivalité, à la guerre des images. C'est véritablement la construction d'une nouvelle image, alors qu'on peut tout à fait critiquer, puisque on peut avoir en tout cas un regard ironique sur elle, puisque c'est aussi le support, je dirais, un produit d'appel, hein, tout simplement, le support d'une consommation effrénée. Ces produits dérivés dont on parlait tout à l'heure, et ils se sont multipliés sur Internet, comme si la société d'aujourd'hui était entre un immense défilé de mode et une vitrine, une boutique de musée. Et donc, de façon assez amusante, je trouve l'exposition finit par exposer la boutique elle-même où Marie-Antoinette est omniprésente dans tous ces objets qui sont permettent de vendre du parfum, de vendre des boîtes de chocolat, de vendre des jeux de société, voilà. Donc cette image d'aujourd'hui de Marie-Antoinette, elle est à la fois, je dirais, très symptomatique parce que c'est la jeune femme, c'est cette pauvre petite fille riche qui affirme sa féminité, qui affirme ses amours, qui affirme sa maternité, qui s'affirme comme la reine de la culture, et en même temps, c'est une image aussi assez, je dirais, un peu dégradée de l'aujourd'hui. C'est pour ça que Marie-Antoinette est un personnage intéressant, comme ces personnages qui ont de leur vivant plusieurs images. Eh bien, les images reproduites dans les siècles qui suivent expliquent plutôt le moment où elles sont produites. Marie-Antoinette d'aujourd'hui nous parle à nous aujourd'hui. Mais sachez, Stanis Pérez, Antoine de Bac, d'ailleurs, merci beaucoup pour vos interventions. Nous avons éclairé qui était ce personnage à travers son image. Sachez que pour le cours de l'histoire sur France Culture, il n'y a qu'une reine, et cette reine, c'est Anaïs Kien. Anaïs Kien, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans le journal de l'histoire, une histoire des adolescents qui choisissent de combattre. Pourquoi s'engager à 14 ans dans une guerre qui ne vous appelle pas? C'est la question que se pose Manon Pignot dans son ouvrage « L'appel de la guerre, des adolescents au combat, 1914-1918 ». À l'heure où l'offensive turque en Irak fait ressurgir la question du rapatriement des engagés volontaires armés français aux côtés de Daesh, un détour par ces jeunes combattants hors normes. La ville de Trappes est considérée comme un des bastions du djihadisme en France. C'est, au sein du courant djihadiste, une des villes où ils ont le plus grand nombre de sympathisants. Je ne pense pas que ça s'explique uniquement pour des raisons sociales, parce que si les mêmes causes produisaient les mêmes effets, ben vous aurez des villes comme par exemple Sartrouville, Sarcelles, où il y aurait un courant djihadiste extrêmement fort. Il y a d'autres courants islamistes dans ces villes, mais le courant djihadiste n'est pas aussi important que la ville de Trappes. Difficile de trouver des causes sociales ou d'établir un schéma qui expliquerait l'engagement d'adolescents dans le combat armé. Si les enfants sont sollicités lors de la mobilisation de 1914 pour endurer les privations engendrées par la guerre, aucun discours ne s'adresse aux adolescents définis par défaut. Ils n'ont plus d'obligations scolaires et peuvent travailler, mais ils ne sont pas majeurs et n'ont pas encore atteint l'âge du service militaire. Ces adolescents combattants sont minoritaires, mais leur participation au combat de la Grande Guerre est attestée dans les troupes des pays belligérants des deux côtés de la ligne de front, et ce, même dans les bataillons américains formés loin des champs de bataille. S'enrôler et déjouer l'administration militaire devient un combat en soi. Les adolescents combattants restent invisibles dans les archives militaires. Ceux qui parviennent à s'enrôler dissimulent leur date de naissance. Manon Pignot a dépouillé les archives photographiques pour débusquer les visages trop juveniles et les mémoires d'après-guerre rédigées par ceux qui ont survécu pour traquer cette anomie militaire devenue fait historique. Ne joue pas aux soldats, mon cher petit bonhomme, les sabres et les fusils ne sont pas des jouets. Plus tard tu en auras, quand tu seras un homme. Je ne veux pas voir ces choses entre tes doigts fluer. En pistant ces soldats singuliers, Manon Pignot trouve parfois aussi leur parcours. Walter Williams, photographié une première fois dans son uniforme de l'armée royale britannique flambant neuf en 1915, et un deuxième cliché daté cette fois de 1917. Deux années qui ont marqué le visage si juvénile deux ans plus tôt par les atrocités de cette première guerre industrielle, par la dureté de la vie au front. Mais il y a aussi Marina Yurlova, engagée dans l'armée russe, qui fuit la révolution de 1917, se retrouve aux États-Unis en passant par le Japon et devient danseuse à San Francisco avant d'épouser un réalisateur de cinéma. Tous n'ont évidemment pas survécu. Les motifs de l'engagement sont aussi nombreux que ces jeunes. Sentiment patriotique exacerbé, désir de marcher dans les traces d'une figure paternelle, désir d'aventure ou de dépaysement, tous ont choisi de porter les armes, sans que l'on puisse faire un portrait type capable d'expliquer ce passage à l'acte qui scandalise toujours aujourd'hui, malgré ce qu'en disent avec malice les Fatal Picards. Alors elle est belle en France, mais les jeunes, s'il en faudrait aux jeunes, c'est une bonne guerre, ma sœur apprendrait à vivre. Et entre nous, on n'était pas si mal que ça en 40, hein. Allez, oui, merci, au revoir d'être venu. Oh, j'aime pas. Oh, comprends rien, cette vieille, oh, fatigue. Ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Et tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Le baptême du feu comme initiation à la vraie vie, donc. Car l'histoire des adolescents combattants est aussi une histoire de l'adolescence, de la construction de cette catégorie et de sa prise en compte sociale. Après cette Première Guerre mondiale, l'engagement militaire des adolescents persiste exclusivement dans les régimes totalitaires ou dans les États nouveaux formés après le traité de Versailles. Les démocraties européennes, quant à elles, élaborent le concept psychosocial de « révolte adolescente » qui peine toujours à fournir une explication satisfaisante de ces comportements morbides. Initiation à l'âge adulte par excellence en temps de guerre, l'épreuve du feu n'induit pourtant pas mécaniquement une vie marginale par la suite. Manon Pignot propose une exploration de l'influence de la culture de guerre sur ceux qui n'avaient pas l'âge de la livrer, mais qui ont pourtant choisi de la faire. L'histoire d'un désir de guerre. Merci beaucoup Anaïs. L'appel de la guerre des adolescents au combat 1914-1918 de Manon Pignot, publié aux éditions Anna Moza. Toutes les informations et les liens utiles sur la page du journal de l'histoire franceculture.fr. Aujourd'hui, c'était Révolution. Demain, dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce sera Contre-Révolution, le cours de l'histoire. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André, Alice Rouet. Nous nous retrouvons sur le site internet Le Cours de l'Histoire en podcast ou sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.